La Houillara, légende indienne, par Georges Brousseau. Sur les rives festonnées des forêts de Litanie dans la Haute-Guyane, repose, au bord des eaux calmes et limpides de la rivière qui se recueille, un petit village roucouyenne, Yamaïké. Et le site, aussi beau que le nom, est des plus enchanteurs. C'est l'heure du soir où la brise s'assoupit doucement, où la forêt exhale ses plus enivrants parfums. Le soleil se couche derrière les collines boisées qui bordent l'horizon et sa lumière oblique se réfléchit sur le miroir du fleuve. Au premier plan, une douzaine de pirogues de diverses grandeurs dorment côte à côte à l'ombre de grands arbres dont les troncs blancs, sur le fond plus foncé des feuillages, s'élancent vers le ciel et plongent en se mirant au fond des eaux. Puis, dans une vaste clairière, au milieu des bananiers, des roucouillers et des citronniers, émergent les toits en ogive d'une douzaine de caves dont la couleur jaune paille apparaît comme une joie des yeux, comme une oasis au milieu du désert. Le village est habité. On entend chanter les coqs, aboyer les chiens, et 5 ou 6 colonnes de fumée bleue montent lentement dans le ciel pur, comme un hommage au grand esprit qui regarde là-haut, derrière les nuages d'ouate rose et blanche. Par le sentier battu qui mène de la rivière au village, des garçons et des jeunes filles portent des calebasses et des alcarazas pleines de la provision d'eau pour la nuit. D'autres portent des ustensiles en bois ou en grosse faïence qu'ils viennent de laver au bord de l'eau. Sur la place du village, qu'entourent en cercle les cases où sont appendus les hamacs, des hommes accroupis plutôt qu'assis sur de petits escabeaux en bois sculpté ornés de clous de cuivre jaune, causent tout en vaquant à divers travaux. L'un polit un arc de bois violet avec une mâchoire de patira, sanglier, les défenses préalablement aiguisées faisant office de polissoir. Un autre confectionne une natte et quelques-uns réparent des engins de pêche ou des flèches. Les femmes, en plein air, devant les cases, préparent le repas du soir. Les marmites de grès chantent sur le feu leur joyeux refrain. Les quartiers de venaison, débarrassés de leurs croûtes noires de fumée, gritent à point devant la braise, plus rouges à mesure que l'ombre du soir s'accroît. Les vieilles, aux chefs branlants, endorment les petits enfants qu'elles balancent dans leur hamac avec de douces paroles chevrotantes. Des chiens étiques et affamés rôdent comme des loups en quête de quelques rognures ou de quelques os à ronger. La nuit est venue, c'est l'heure du repas. Les feux flambent, éclairant la scène de leur lumière rouge et vacillante. Les hommes de chaque famille, servis respectueusement par les femmes, se sont accroupis en cercle devant les 2 plats traditionnels, riz et poisson ou riz et venaison. Et chacun puise à son tour gravement, sans se hâter, avec une tranche de calebasse servant de cuillère dans les 2 tas de nourriture occupant le centre du cercle. Les femmes et les enfants mangeront ensuite. Le repas touche à sa fin, et Tuchaou, le fils du chef, n'est pas encore de retour de la chasse. Le cri de la poule d'eau se fait entendre. Le voilà, c'est lui. Vite, une torche de mani, l'arbre résineux. Le jeune frère se précipite vers la rivière avec sa torche, dont la flamme fuligineuse s'allonge horizontale. Le voici enfin. Silencieux, il dépose son fusil et sa pagaie, son arc et ses flèches à leur place habituelle, et vient s'asseoir au cercle de famille. Il est triste, sa tête se penche, rêveuse. Nul ne l'interroge. Sa vieille mère, qu'il aime avec passion, comme savent aimer les filles de la forêt, lui apporte, muette, dans un plat de grès confectionné et modelé par elle-même, sa part du souper qu'elle a réservé. Il y touche à peine, et après un grand soupir, il demeure pensif. Le chalumeau plaintif et le tambour sonore appellent à la danse et aux joyeux de vie les autres habitants du village. Mais lui, seul et taciturne, demeure accablé à la même place. Voilà 8 jours qu'il est ainsi triste, triste comme un champ de mort, le jeune Indien. Et sa vieille mère, qui l'observe dans l'ombre, pleure en silence de voir la tristesse profonde assombrir ainsi son enfant préféré. La nuit, il se lève et s'en va seul rêver au bord de l'eau qui balbutie doucement. Et des mots indistincts, entrecoupés de soupirs, sortent de ses lèvres tremblantes. C'est le plus joli et le plus beau garçon de la tribu des Roucouyennes. Aucun autre comme lui n'est vaillant et courageux. Aucun ne manie avec plus d'adresse l'arc et le fusil. Sa balle, comme sa flèche empoisonnée, atteignent sûrement dans leur vol, au milieu des airs, les grands aigles en portant une proie. Aucun autre mieux que lui ne sait construire et confectionner un canot et faire un choix judicieux des bois de la forêt. Dans les jeux qui se célèbrent au fait de la peuplade, la palme de la victoire lui revient toujours, et ses camarades plus âgés même reconnaissent, respectueux, sa supériorité. Il est l'orgueil de la tribu et le digne successeur de son frère, le Tamouchi, le chef, qui tant de fois fit mordre la terre au féroce Koulet. La pauvre mère n'y tient plus. « Mon fils, dit-elle en s'approchant, un nuage sombre obscurcit ton front et de douloureuses pensées te font courber la tête. Dis-moi de quel mal tu souffres, je pourrais peut-être t'en guérir. » Tuchao relevant la tête. « Mère, écoute, mon secret m'étouffe et je veux me soulager à te raconter la tristesse qui me torture. C'est une jeune fille si jolie, si belle, que je n'en ai jamais rencontrée ainsi dans toute notre tribu, de Litanie au Parou. La nuit était belle, la brise était douce, le ciel pur troué d'étoiles, et dans ma pirogue je voguais légèrement dans la direction de notre village. Soudain j'entendis comme un chant plaintif et lointain, une voix harmonieuse et si douce qu'on la distinguait à peine avec le susurrement de la brise entre les feuilles des palmiers. J'avançais sans bruit sur les eaux transparentes du grand bassin du Punso où se miraient les étoiles, et plus distinctement m'arrivaient les sons de cette voix qui chantait. Tout à coup je la vis. Comme elle était belle, mère, comme elle était belle, la femme que je vis. Elle était assise sur un tronc d'arbre penché sur le bord de la rivière. Ses longs cheveux d'or étaient noués avec des fleurs de morérou, et elle chantait comme jamais je n'ai entendu chanter ainsi. Elle fixa ses yeux verts sur moi, me sourit un moment, étendit les bras comme si elle avait voulu m'enlacer, et disparut en chantant à travers les eaux qui s'ouvrirent pour la recevoir. Oh, mère, comme elle était jolie, la jeune femme que je vis ainsi, comme ils étaient mélodieux, les sons de cette voix qui chantait. Pendant que son fils parlait, les yeux de la vieille indienne se remplirent de larmes silencieuses qui roulaient une à une sur sa face ridée. Mon fils, répondit-elle, ne retourne jamais plus la nuit vers le grand bassin du Punso. La femme que tu as vue n'est autre que la Ouyara, la fée des eaux. Son sourire est plus mortel que le venin du crotal. Malheur et malédiction à celui qui écoute sa voix et qui cède à son enchantement. Et Tuchao, assis au seuil de la case maternelle, laisse pendre ses bras découragés et son front pensif s'incline vers la terre. « Mère, dit-il enfin, avec un gros soupir, je n'y retournerai plus. » Le jour suivant, à l'heure où le soleil se couche à l'horizon au-dessus des collines sombres couvertes d'épaisses forêts, Tuchao prend son arc et ses flèches, une pagaie, et furtivement va détacher sa pirogue. Qu'a-t-il à craindre? Il est bien armé. Son coup d'œil est sûr et son bras ne tremble pas. Le soir est doux et parfumé. La brise s'endort et dans le ciel limpide passe, babillard, retournant au gîte, des vols de perroquets et de perruches, et de grands aras bleus et rouges par couple. Sur les rives du fleuve, les arbres et les lianes se croisent, s'entrelacent, s'échevellent de la façon la plus capricieuse, la plus inattendue, la plus fantasque. De ci de là, par une échappée, une fusée de rayons obliques passe sous le couvert et vient mettre en joie tout un monde d'insectes dorés et d'animalcules dans la mousse et les racines pendantes d'un vieux tronc vermoulu qui se penche sur l'eau ou, au milieu d'une végétation de palmiers nains et de fougères, réveiller le crotal ou le corail qui dorment à côté d'une toute petite fleur chétive qui s'épanouit. Et l'iguane vert, à la chair savoureuse, friand de soleil, grimpe lentement, attentif au moindre bruit sur les branches, d'où il se laisse tomber tout à coup dans l'eau morte, comme un plomb, à l'approche d'une bande de singes qui cabriole et gambade d'arbre en arbre. Mais le jeune Indien ne voit pas cette féerie. Accroupi derrière sa pirogue, les jambes croisées, il est triste. Sa pagaie mécaniquement plonge et replonge avec lenteur dans l'eau et ses flèches inutiles gisent à ses pieds. Il vogue, silencieux, comme une ombre, sur les eaux calmes de Litanie, vers le grand bassin du Punso. Pauvre Tuchao, qui n'a pas écouté les conseils maternels. Sa vieille mère vient tous les soirs, sur le dégrade où dorment les pirogues, interroger de ses yeux secs, taris de larmes, l'amont et l'aval du fleuve. Elle attend son fils qui ne revient pas. Qu'est-il advenu de lui? Nul ne le sait, puisque personne ne l'a jamais revu. Cependant, on dit à Yamaïke que des pêcheurs attardés sur le bassin du Punso, aux heures mortes de la nuit, ont vu plusieurs fois le long du fleuve une femme couronnée de fleurs qui passait en chantant, et derrière un homme la suivait. Une nuit, l'un d'eux, plus osé que les autres, s'approcha pour voir de plus près. Mais les eaux s'entr'ouvrirent, et la femme et l'homme disparurent. Ainsi s'achève la Ouyara, légende indienne de Georges Brousseau.